À quelques jours des élections présidentielles américaines, les sondages annoncent toujours Biden gagnant. Mais que dit la science ? John Antonakis, professeur de comportement organisationnel à HEC Lausanne et expert en charisme en politique, avait prédit la victoire de Trump sur cette antenne il y a 5 ans. C'était les épisodes 230 et 231 sur l'étude scientifique du charisme. Et John avait promis de revenir nous en parler. Je ne suis pas sûr qu'il vienne avec de très bonnes nouvelles. Mais je suis certain qu'on va passer un excellent moment en sa compagnie. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020, c'est malheureusement encore 2020. C'est l'épisode 425. Bienvenue sur Podcast Science. Avec nous ce soir, en direct de l'Internet mondial, Eléa, tout d'abord, notre biologiste bien-aimée, amoureuse de verdure, depuis Strasbourg. Salut Eléa. Bonsoir tout le monde. On a Claire, ça faisait longtemps, Claire, notre chimiste préférée, Agatha Christiophile, depuis Paris. Coucou. Salut Claire. On a Johan, notre astrophysicien préféré, depuis son lit, à Paris. Salut Johan. Salut tout le monde. Et puis bien sûr, on a Pascal, notre magicien de la technique, sans qui rien de ceci serait possible, depuis les environs de Mulhouse. Salut Pascal. Salut. Et donc tout ça, c'est pour la table virtuelle. Puis pour la table physique ici à Lausanne, j'ai la chance d'avoir avec moi John Antonakis. C'est notre invité. Il vient nous annoncer de mauvaises nouvelles, mais on l'aime quand même. On est content de l'accueillir. Bienvenue John. Merci Alain. Et puis moi-même, Alan, votre serviteur, fantôme énigmatique des coulisses de ce merveilleux podcast. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver, les amis. Tu as oublié Cléora. Ah, j'ai oublié Cléora, mais il est là, Cléora, je ne le vois pas. Je suis là. Salut à tous. Salut Cléora. Cléora, c'est donc notre vidéaste passionné de psychologie et de petits oiseaux, ou le contraire. Salut Cléora, bienvenue. Salut. En direct depuis Trouville, Perduville. Perduville, oui. Perduville, Perduville en Normandie. J'ai vérifié, ça existe. Ouais, ça existe vraiment. Magnifique. John, je te propose qu'on commence par les mauvaises nouvelles, parce qu'il le faut bien. Mais on va aussi profiter de ta visite ici pour faire un petit point sur tout ce que tu nous prédisais il y a 5 ans. Et puis faire un petit tour de l'avancement de tes différents projets. Commençons par les mauvaises nouvelles. Donc tous les sondages actuellement donnent Biden gagnant. Il n'y a pas que les sondages. Nate Silver, le statisticien, prédit aussi le ticket Biden-Harris gagnant, genre une probabilité de 88%. The Economist prévoit plus de 92% de chances que Biden l'emporte. Ça, c'est pour les grands électeurs. Et puis carrément 99% chez le peuple. Vous remarquerez que je ne m'emmerde plus à traduire 99, vous n'avez qu'à apprendre. Franchement, on a envie d'y croire. Mais malheureusement, le modèle prédictif que tu as développé avec ton collègue Philippe Jacquard, dont tu nous avais parlé lors de ta première visite ici, qui fonctionne 22 fois sur 26 quand même, en tout cas jusqu'ici, donc c'est un 85% de succès, semblait prédire le contraire encore il y a 15 jours quand on en a parlé, quand on a décidé de faire cette émission. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, malheureusement. Les algorithmes donnent Trump gagnant en dépit de tout. Oui. Et voilà, donc tu veux que je explique pourquoi nous avons cette prévision et qui va complètement à l'encontre de tout. Je pense que là, tu es sur le grill. Il va falloir t'expliquer. Donc, premièrement, je pense que tous les autres que tu as cités utilisent des sondages. Donc, si les sondages sont corrects, bien calibrés, donc je pense qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils disent. Mais souvenez-vous, il y a 4 ans, nous étions exactement dans la même situation. Clinton, avec une probabilité de 95% qu'elle va gagner. Donc 95, c'est 8 ans plus 15. C'est ça. C'est 4 fois 20 plus 15. OK. Ça serait trop simple. OK, on doit arrêter de taquiner les Français. Ils sont très gentils avec nous. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, avec Clinton. Et Le problème, c'était le suivant. C'est quand, quand on fait des sondages, la probabilité que la personne répond à la personne qui appelle est environ 1 sur 10. Okay. Donc, c'est ça le problème principal. Donc, s'il y a un biais de sélection, si par hasard, de façon systématique, les gens qui soutiennent Trump ne répondent pas au téléphone, donc on a un échantillon biaisé. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que, indépendamment de leur opinion, leur préférence politique, est-ce que cette personne va se rendre aux urnes? C'est ça la deuxième question. Et la troisième question, il y a des erreurs de mesure. Les gens, parfois, ne disent pas la vérité. Ils changent l'opinion, dernière minute, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de mesure aléatoires et systématiques. Et ces erreurs systématiques sont corrélées aussi à travers des différents États, comme on a vu avec dans le Rust Belt, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, etc. Et donc, si la personne qui a fait, Gallup, ces grands instituts de sondage, n'ont pas bien calibré leur échantillon, on aura des biais systématiques. Donc moi, j'aimerais croire que ces sondages sont corrects. Je ne suis pas du tout un Trump aficionado, ça, je dois dire, dès les débuts. Donc absolument, 1000 fois, je préfère me tromper et d'avoir comme poulpe la personne la plus puissante dans la Maison Blanche, d'avoir Biden que Trump. Donc, c'est ça le problème. Donc, nous, on écarte complètement ce problème en regardant les tendances historiques, ce qui s'est passé étant donné la situation économique, qui est le sortant et quelle est la différence entre les deux en ce qui concerne le charisme. Donc, voilà. Donc, j'arrête là. Si tu veux, on peut parler un petit peu sur les paramètres du modèle. Ça m'intéressera assez que tu nous rappelles un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si je me rappelle bien, c'est inspiré du modèle de Yale, qui s'intéresse essentiellement au bilan économique du président sortant, enfin du locataire en titre de la Maison Blanche. Et puis, vous, du coup, vous avez ajouté des variables relatives au charisme là-dessus, c'est ça ? Oui. Donc, le modèle, je l'ai vu quand je faisais mon postdoc à Yale. J'étais en psychologie et Raymond Fay, c'est un macroéconomiste. Donc, les économistes, ils produisent des très, très bons modèles qui sont assez puissants. Mais dans ce cas-là, il a supposé que les deux parties vont présenter le meilleur candidat. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, la chose qui va faire la différence entre gagner et perdre, c'est, comme tu as dit, qui est le sortant, combien de temps il a occupé la Maison Blanche et quel est l'état d'économie. Mm-hmm. Okay, donc, un handicap rédhibitoire, c'est si l'économie ne va pas bien et on est le sortant qui essaie d'être reconduit. Comme il était le cas avec, on parle de partis politiques, comme c'était le cas avec Bush. Donc Bush a occupé le White House de 8 ans. Donc c'était impossible pour Obama de ne pas gagner cette élection. Donc c'était 8 ans de fatigue avec les républicains. Il y avait la crise économique, tu te souviens. Donc c'était impossible de gagner. La seconde fois que Obama a gagné, c'était pas parce que l'économie était bien. En fait, l'économie était comme ci, comme ça. C'était parce qu'il était beaucoup plus charismatique que Romney. Donc, être sortant donne un avantage, surtout si l'économie va bien. Si ça va pas bien, donc là, on paye et on va être éjecté. Si il y a ce qu'on appelle avec Philippe Jacquard, en anglais, attributional ambiguity, donc une ambiguïté attributionnelle en ce qui concerne l'état de l'économie, donc quand les choses sont floues, c'est là où le charisme compte vraiment. Et c'était le cas de l'élection avec Obama-Romney. C'était aussi le cas avec l'élection de Trump Hillary Clinton. Donc, souvenez-vous, 8 ans d'Obama. Donc, déjà, les démocrates avaient un handicap. Et l'économie n'était pas aussi bien de récompenser les démocrates encore pour 4 ans. Et donc, même avec un fou comme Trump, les républicains ont pu gagner. Donc, s'ils avaient un vanilla version de républicain, donc je pense que la victoire serait beaucoup plus grande qu'il n'était avant. Donc, maintenant, on est devant une situation où l'économie est mitigée. On a 3 trimestres avec des très bonnes nouvelles, au-dessus de 3,2%. Le PIB brut, cette année de l'élection, va contracter environ 10%. Mais tout dépend de ce qui va se passer ce trimestre. Donc, quand les gens vont aller voter, maintenant, s'ils se sentent riches, s'ils se sentent qu'ils ont du fric, c'est ça qui va compter. Donc, tu sais, les Américains, leur deuxième et troisième pilier, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les fonds de retraite. Les fonds de retraite sont reliés au marché, à la bourse. Donc, si les choses vont bien, donc ils appellent ça le Individual Retirement Accounts et le 401k, si les choses vont bien, donc ils se sont riches. Et donc, les électeurs qui sont dans le centre, qui hésitent, qui ne sont pas durs gauche et durs droite, donc eux, ils vont toujours voter républicain-démocrate, mais les gens qui peuvent se swinger un peu, c'est là où ça va faire la différence. Donc, si l'économie va bien, et ça va bien ce trimestre, parce qu'il y a des estimations que le pourcentage de différence par rapport au trimestre avant, c'est environ 20 à 30% de croissance. De croissance pour le PIB, oui. Donc voilà. Et la troisième variable majeure qu'on met là-dedans, c'est la différence de charisme entre les deux candidats. Donc Trump, il s'avère, donc encore, c'est pas pour moi, mais il utilise ses astuces de cette tactique du leadership charismatique beaucoup plus souvent que Biden. Donc peut-être pour toi et pour moi, Trump n'est pas charismatique. Objectivement, il est plus charismatique que Biden, donc notre charismomètre l'a montré, je t'avais donné, tu as les données, et tu peux le voir toi-même. Donc, si on prend un échantillon aléatoire aux États-Unis et on demande est-ce qu'Obama est charismatique, la moitié vont dire oui, mais c'est la moitié qui ont des valeurs qui se chevauchent avec Obama. Mais à Texas, Texas rural, ils vont dire qu'Obama c'est un clown, c'est un bouffon. Idem avec Trump. Donc, si tu vas à Californie ou au New York, ils vont dire c'est un idiot. Mais à Oklahoma, c'est un héros, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc forcément, l'effet charismatique va seulement se concrétiser si tu partages des valeurs avec la personne qui signale ce charisme. Donc moi, je m'en fous de mes valeurs. C'est l'ordinateur qui dit si la personne signale ou non du charisme. Et Trump, il le fait beaucoup plus que Biden. Ah, d'accord. Donc là, tu fous en l'air mon argumentaire, parce que moi, j'allais objecter que je ne le trouve pas charismatique. Bien, moi pour non plus. Le type, il est bête, il est confus, il est... Mais en fait, c'est parce que je suis dans ma bulle cognitive et je suis extrêmement critique parce que je ne partage pas les mêmes valeurs. Exactement. Alors que des gens qui partagent les mêmes valeurs vont le trouver charismatique. Oui. Et puis, objectivement, c'est vrai que même si je suis plutôt pro-Biden, je dois quand même reconnaître qu'il a le charisme d'une moule morte. Exactement. Non, pas tout à fait. Ça, c'était François Hollande. Oui, ça, c'était Hollande. J'avais utilisé cette métaphore. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça m'est resté, tu vois. Ouais. OK, bon... Mais c'est hyper subjectif, le charisme. Vraiment. L'effet du charisme est subjectif. Mais signaliser le charisme, ça, on peut objectivement mesurer avec des gens qui sont formés d'extraire ces paramètres dans des textes ouverts. Mais je pense qu'on va parler un petit peu plus tard à propos de un logiciel qu'on a avec l'intelligence artificielle qui code ça automatiquement. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut mesurer le charisme et qu'il y a une valeur de charisme qu'on peut extraire du discours des gens. Oui. Parfait. le graphique qu'on voit maintenant dans la chatroom, c'est le charismomètre de John. Il nous expliquera tout à l'heure comment ça marche. Hein. Mais où on voit d'un côté Biden et d'un côté Trump. Et puis effectivement, Trump a de meilleurs résultats indépendamment des croyances, des valeurs, etc. C'est, exactement. C'est bien ça. Et indépendamment de si c'est codé par des êtres humains ou par l'ordinateur. Ouais. OK. On a la Poiresse qui nous demande dans la chatroom si le charisme... qui dit que le charisme Trump-Biden, c'est une chose, mais est-ce que celui des colistiers, Pence et Harris, peut jouer aussi? Oui, ça peut jouer un petit rôle, mais en général, on ne voit pas vraiment des patterns... C'est les colistiers ne comptent pas vraiment. C'est la personne qui est premier sur la liste qui va faire la différence. OK. Il y a une autre question dans la chatroom. Gpif demande si le facteur Covid est entré dans le modèle. Je pense qu'on peut élargir la question à est-ce que le fait d'être en période de crise rentre aussi dans le modèle de prédiction? Oui, absolument. Parce que ça alimente les chiffres que nous avons dans le modèle concernant le PIB brut. Mais combien de trimestres le PIB brut est plus haut que 3,2%? Donc, dans le modèle de régression que nous avons, donc on doit faire des estimations sur combien le GDP, le PIB brut, va être dans l'année de l'élection. Donc maintenant, on a mis moins 10%. Donc il y aura une contraction de moins 10%. Combien de trimestres sont plus hauts que 3,2%? Donc ça, ça joue en faveur de Trump. Donc ça alimente directement le PIB brut. Donc ça, il est déjà pris en compte dans nos chiffres parce que ça s'y manifeste dans cette contraction économique. OK. Et si je me rappelle bien, en 2016... Il n'avait pas eu la victoire du peuple, en fait. C'était surtout les grands électeurs qui avaient fait la Exactement. Différence. Exactement. Oui. Donc, nous, on a fait deux prévisions pour le peuple et pour les grands électeurs. Ouais. Moi, j'avais juste dit que Trump va gagner et j'ai donné aussi la prévision pour le peuple. Mais maintenant, j'arrête, puisqu'on va trouver plus une fosse entre les grands électeurs et le pourcentage de vote de peuple. Donc, cette fois-ci, encore une fois, je ne parle que maintenant à propos de Electoral College. Le problème, c'est le suivant, c'est que Hillary a gagné grosse en Californie, en New York, dans des endroits urbains. Mais malheureusement, les grands électeurs ne sont pas pondérés au même niveau que les tendances démographiques aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va voir ça beaucoup plus souvent. On voit ça dans le Sénat et dans certains districts pour le Congrès. Et c'est pour ça que c'est mieux de prévoir les grands électeurs. Donc, c'est ça que Nate Silver fait aussi. C'est comme ça qu'il calcule la probabilité que quelqu'un gagne. Mais encore une fois, lui, il utilise des données plutôt basées sur les sondages. Je pense qu'il ajoute quelques petits trucs aussi avec l'économie, mais en général, c'est plutôt basé sur les sondages. OK. Donc ça, typiquement, vous l'avez intégré dans le modèle parce que c'est l'élection américaine. Oui. Oui. Okay. Donc maintenant, je ne veux parler que de les grands électeurs. C'est ça qui compte à la fin. OK, ça marche. J'ai vu qu'une autre étude de l'Université de Neuchâtel, donc c'est en Suisse également, basé sur une approche quantitative et qui avait déjà prédit l'élection de Trump en 2016, prédit le même résultat catastrophique que vous autres. Tu connais ces travaux ? Tu peux nous en parler ? Oui. Donc, eux, ils regardent essentiellement la différence de trafic sur les médias. Donc, social media. Et ils voient beaucoup, beaucoup plus de trafic qui mentionne Trump. Ils regardent aussi pour voir la direction d'émotions qui sont signalisées aussi. Donc, Trump, il est plutôt le war president, fort et tout ça. Ouais, il fait beaucoup de bruit, quoi. Il signale le fait qu'il est en colère contre tout. Et Biden, il est le plus mou, le plus empathique. Mais essentiellement, il regarde emotional valence, donc la direction d'émotionnalité qui est signalisée, et le trafic, le volume de trafic qui est en faveur de Trump maintenant, apparemment, D'accord. selon leurs prévisions. Et ils regardent les médias en général ou les médias sociaux Plutôt les social media. C'est surtout Twitter. Twitter et des trucs comme ça. Ouais, là, évidemment, c'est vrai qu'il occupe le terrain. Lui, il tweet, je ne sais pas, 5 fois plus que Biden. OK, on a des questions dans la chatroom. Caro qui nous demande si ton modèle est en open source sur GitHub. J'ai pas compris la question. Est-ce que ton modèle prédictif, est-ce qu'il est disponible en open source ? En fait, il y a un article que vous pouvez télécharger, on peut le mettre. Donc, c'est facile à estimer. Donc, on a des variables. Vous pouvez aussi regarder le site de Raymond Fay à l'Université de Yale. Donc, toutes les données sont sur son site. Donc, on va peut-être mettre le lien online, plus mon article où on a les scores de charisme, donc n'importe qui peut regarder et vérifier ce qu'on dit. OK, super. Ouais. Donc on mettra ça dans la chatroom d'ici la fin de l'émission et puis dans les notes de l'émission. On nous demande aussi si le modèle prédit un événement imprévu de la Russie à venir. Comment tu veux qu'un modèle prédise un événement imprévu OK. Et puis, Gépif qui demande, sinon, si quelqu'un a des bonnes nouvelles. Ça manque un peu en ce moment. Oui, peut-être les bonnes nouvelles sont que je me trompe complètement et j'espère que je me trompe. Donc, voilà. Et comme je dis à Alain au début, je préfère 1000 fois que je me trompe. Ouais. Et que d'avoir Biden dans la Maison Blanche. D'ailleurs, quand on a commencé cette conversation il y a 3 semaines, je me rappelle t'avoir dit que je t'apprécie beaucoup comme personne, que je suis très admiratif de tes travaux, mais que j'espère vraiment que tu te trompes. Oui, et tu m'as répondu tout de suite, moi aussi. Ça, c'est le côté sympa de la science par rapport à d'autres modèles prédictifs. C'est Ouais. C'est qu'elle est prête à se remettre en question. Ouais, ouais. Mais les autres utilisent aussi la science. Donc, ce n'est pas que nous, on utilise la science et les autres n'utilisent pas la science. Ils utilisent aussi la science, mais c'est très, très difficile de savoir. Eux, ils ont un avantage parce qu'ils ont beaucoup plus de données que nous. Nous, on s'utilise des données historiques. Donc, moi, mon modèle, il est calibré depuis les données de 1916 parce que c'est là où on a des très bons chiffres concernant l'économie aux États-Unis. Moi, je pense que je prends beaucoup plus de risques à Nate Silver parce que lui, il adapte son modèle automatiquement et il fait beaucoup de tweaking et des simulations. Moi, je ne peux pas. Moi, j'attends 4 ans pour ajouter un point supplémentaire dans le N. Et donc voilà, maintenant on a 26 élections. Donc nous, on a aussi fait des simulations pour être sûr qu'on ne modélise pas juste du bruit aléatoire. Ouais. C'est très, très difficile avec des petits échantillons. Ouais. Bon, mais si vous avez 22 succès sur 27 élections, ce sera quand même pas mal. Oui, oui. Si un singe faisait de façon aléatoire pour prédire 22 sur 26 correctement, c'est, je ne sais pas, une fois sur quelques millions de fois, il va trouver ça correctement. Ouais. Donc, ce n'est pas facile à faire, ça c'est sûr, mais quand même, je n'ai pas trop de confiance dans cette corona brouillard dans laquelle on se trouve avec, et le fait que les chiffres sont difficiles à avoir des bons chiffres concernant le PIB brut. Donc, je n'ai pas beaucoup de confiance dans le modèle. Donc, c'est pour ça que je m'espère vraiment que je me trompe. Mais comment est-ce que tu arrives à ce chiffre de 22 sur 27 parce que tu as entraîné ton algorithme sur les élections passées? Exactement. Mais finalement, les prédictions, tu ne le fais pas depuis 1916, les prédictions, depuis 3 élections, c'est ça? Exactement. Donc, pour les élections avant... Les 3 dernières élections, on fait une prévision rétroactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise toutes les autres données pour créer le modèle, pour trouver les paramètres du modèle. Après, on regarde qu'est-ce qui s'est passé en 1916. On ajoute, on prend les données observées, on multiplie avec le paramètre pour avoir une prévision concernant Y, donc le vote. Mmh. Et après, c'est là où on regarde notre prévision par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on ne triche pas en utilisant les données de cette année où on fait la prévision. Donc, ça, on appelle en anglais « out of sample prediction ». Et c'est là, c'est comme ça que nous avons calibré notre modèle. Voilà. D'accord. Ok, on a une question de La Poirasse dans la chatroom qui nous demande si, au-delà de l'élection à venir, si Trump est à nouveau à la Maison-Blanche, peut-on avoir une inquiétude à ce qu'il pourra se passer dans 4 ans? Trump peut-il faire voter une loi pour briguer un troisième mandat? Oui, mais bon... Non, je ne pense pas que ça va arriver. C'est si Trump gagne, je peux vous dire déjà maintenant, la probabilité que le démocrate gagne en 4 ans, c'est 99%. Donc on peut déjà prévoir qui va gagner la prochaine fois si Trump gagne cette fois. Si l'humanité existe encore dans 4 ans. Exactement. Ça, c'est encore une autre histoire. OK, donc là, on a vu les modèles suisses, mais heureusement, il y a aussi des scientifiques américains qui bossent sur la question et qui prédisent plutôt Biden. Tu peux nous parler de Alan Lichtman? Oui, donc Alan Lichtman a créé un modèle qui s'appelle The Keys to the White House. Donc, il a différentes clés, scandale, charisme, économie, beaucoup de différentes choses. Donc lui, apparemment, il a basé ça sur un modèle avec un statisticien qui prévoit des séismes, donc un sismologue. Mais je peux vous dire que j'ai des doutes concernant ce modèle. Pourquoi? Ce modèle est totalement objectif. C'est lui qui détermine si une clé est là ou non. Okay. Et c'est lui qui apparemment fait les prévisions de façon rétroactive jusqu'au 1870, je ne sais pas où il va. Donc, il fait plus long pour nous. Donc, moi, je ne peux pas prendre un ordinateur ou 10 personnes et de façon objective coder ces données et avoir le même résultat. Donc, avec nous, c'est très objectivisé. On compte combien d'années le sortant est là-dedans, qui est le sortant, quel est le PIB brut, quel est le taux d'inflation. Donc, tous ces paramètres sont parfaitement bien observables. Et maintenant, avec le charisme aussi, on a des ordinateurs qui le font. Donc, ce n'est pas un être humain qui connaît le résultat et après, il dit s'il y a une clé ou non. Donc, Lichtman, il connaissait le résultat quand il a déclaré s'il y avait une clé présente ou non. Donc, c'est que Nate Silver qui a fait une forte critique sur Lichtman. Et moi, j'avais parlé avec mes étudiants prochainement à propos de ce modèle. Donc, je pense que ça vaut la peine d'écrire un article sur ça. Parce que peut-être Ouais, il a fait correctement depuis, je ne sais pas, les dernières 10 élections. C'est bien, s'il a fait ça, c'est bien. Mais c'est difficile à défendre la performance de son modèle dans le passé quand c'est que lui qui l'a fait avec des trucs très subjectifs. Ok, d'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop de confiance à Lichtman. Ouais, ok. Ouais. C'est trop récent, on manque de recul. Ouais, ouais. Et lui, ouais. Il dit que Biden va gagner et j'espère qu'il a raison. Donc je vais manger mon chapeau plusieurs fois dans 4 ans. Hein. Non, mais bel esprit scientifique. On dit ça en français, que je vais manger mon chapeau. En anglais, on dit if I'm wrong, I'll eat my hat. Donc, ouais. Je sais pas, on je dit. Je crois pas qu'on dise ça en français. Hein. Les Français? Non, mais. Si, moi j'ai déjà entendu. Ok, je l'ai entendu aussi. Ouais, ouais, oui. Si c'est ça, je mange mon chapeau. Exactement. Tu vois, ça se perd un petit peu, cela dit. Exactement. J'ai même utilisé un mot que j'ai appris l'autre jour, rédhibitoire. T'as entendu? Ouais. Rédhibitoire. Oui, j'ai appris il y a juste une semaine. Une personne. C'est juste qu'en français, c'est des bérets qu'on mange, mais sinon, c'est la même chose. Bérets? Je mange mon béret. Mange mon béret. Rédhibitoire, c'est on utilise ça en français aussi? Ouais. Ah, oui. Okay. Oui. Tu sais l'écrire? Oui, oui, je peux l'écrire. Il y a un H silent là-dedans. Donc, il y a un H, ouais. Oui, une personne incroyable m'a appris. Donc, chaque semaine, je vais apprendre un nouveau mot en français pour juste... OK, ça, c'était la semaine passée. Oui, oui. Donc, c'est cette semaine que tu apprends un nouveau mot. Oui, je dois... Ah, oui, oui, okay. Quelqu'un doit m'apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Alors, couvre-feu. Qu'est-ce que tu as dit, Claire? Couvre-feu. Ouais, couvre-feu. Non, mais ça, c'est facile. Ouais, ça, c'est pas nouveau. Ça vient de l'anglais, curfew. Ha, ha, ha. C'est comme George Bush, quand il a dit, vous savez, la France, elle va pas bien parce que les Français ne travaillent pas. Ils savent pas comment faire des business. Ils ont même pas un mot pour entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je dis que couvre-feu, ça vient de l'anglais, curfew. C'est ça. OK. Bon, ceci dit, on est sur Podcast Science. Hein. Je sais, en plus, pour te connaître un peu personnellement, que tu es un ardent défenseur de l'approche scientifique, de la méthode scientifique. Alors, ma question est volontairement un peu provocante. Est-ce que c'est encore de la science, ces modèles prédictifs? Oui, c'est de la science parce qu'on a une supposition qu'on peut tester et on peut... calculer les conséquences de cette supposition, donc en faisant une prévision, et après on peut observer ce qui s'est passé. Donc si ce qui se passe est concordant avec la prévision, ce que le modèle a pu computer, prévoir, donc là on peut voir si on se trompe ou pas, et c'est comme ça qu'on peut alimenter le modèle. Donc oui, c'est la science. D'accord. Donc... En gros, ce modèle, c'est une hypothèse qui demande à être validée ou infirmée. Oui, exactement. C'est ça. Oui, le, oui avec des données, oui. Oui c'est la seule façon. Donc nous, on avait quelques suppositions. Et voilà, donc on alimente le modèle qui va nous donner une prévision. Et après, on teste si ça, c'est vrai ou pas. Et donc, quand on fait ces modèles statistiques avec des prévisions, on calcule ce qu'on appelle le MAE, the Mean Average Error of Estimation. Donc, si nous avons dit que les démocrates vont gagner 300 grands électeurs, ils ont gagné 270, donc on a un écart de 30. Donc là, on compte les écarts sur chaque prévision, on essaie de minimiser les écarts. Donc, nous, on ne touche pas aux paramètres du modèle. Donc, chaque fois qu'il y a encore une élection, donc ces paramètres changent. Mais je ne change pas les variables. Je n'essaie pas d'ajouter là-dedans si la personne est noire, s'il y a une femme. Parce que tous ces événements sont idiosyncrasiques. Donc, je pense que ça ne compte pas beaucoup. Donc, nous, on laisse le modèle qui a été développé en 76 par Raymond Fay. La seule chose qu'on a changée, c'est d'ajouter le charisme là-dedans, parce que je pense intuitivement que c'est logique. On ne peut pas supposer que les deux partis ont mis les deux meilleurs candidats. Et ça, on peut voir, parce que, bah, honnêtement, oui. Chez les Républicains, il y a beaucoup mieux que Trump, et chez les démocrates, beaucoup mieux que Biden. Ouais, j'avoue. OK, donc ça compense cette croyance qui était intégrée dans le modèle strictement économique. Ouais. Qu'on supposition. Ouais, ouais. Supposition, croyance, ouais. qu'on présente les deux meilleurs. OK, mais donc ça veut dire qu'il y a un indice de confiance aussi lié à cette prédiction qu'il n'y ait pas de 100%. Oui, absolument. Oui, il y a un intervalle de confiance et voilà. Mais ça, on sait le Oui, je ne me souviens pas, mais c'est assez large. Et c'est parce que, encore une fois, comme je dis, les données que nous avons ne sont pas trop précises. Donc, ça bouge dans tous les sens. Mais la prévision, le point estimate dit que Trump va prendre plus de grands électeurs, 300 quelque chose. Je ne me souviens pas exactement le chiffre. Mmh. Ouais, okay. C'est 320 ou 330. D'accord. On a expliqué un peu comment marche le modèle. On n'est pas vraiment allé dans le détail. En fait, sur quoi vous vous êtes basé pour mesurer le charisme de l'un et de l'autre? D'accord. Donc d'abord, la définition du charisme, pour nous, c'est signaliser des informations pour casser les asymétries des informations en utilisant des symboles, des valeurs et des émotions. Donc, si la personne est capable de parler de façon symbolique, c'est-à-dire de déclencher une imagerie quand elle parle, en utilisant des storytelling, des métaphores ou d'autres astuces, donc c'est là qu'il peut, c'est comme ça qu'on peut mieux toucher la personne avec qui on parle. Donc, c'est beaucoup plus facile à imaginer, de s'identifier avec la personne, de se rappeler de ce qu'il a dit, de stimuler, de déclencher des imageries, des émotions et tout ça. Donc, il y aura beaucoup plus d'affection pour quelqu'un qui peut parler en imagerie. Donc, c'est la poésie, c'est comme une jolie... comme un tableau. Tableau, oui. Ouais. Donc, c'est ça qui est essentiel dans notre modèle. C'est si on est capable de parler de façon symbolique. Deuxièmement, si on parle de ses valeurs. Qu'est-ce qu'on est là pour faire? Quelle est la raison d'être? Pourquoi on va défendre cette ligne? Donc, plus on parle de nos valeurs de façon ouverte, plus les gens qui partagent nos valeurs vont se rallier avec notre cause. Mais c'est là où, comme Shakespeare a dit, « and there's the rub ». Donc, c'est là le détail, le Teufel. Le Teufel, non, je mélange l'allemand. Le diable est dans ce détail-là parce que plus tu signales tes valeurs de façon ouverte, plus tu vas être vraiment détesté par les adversaires, les gens qui n'aiment pas, qui ne partagent pas tes valeurs. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Donc il y a un coût. Ce n'est pas facile de signaliser tes valeurs. Donc plus tu signales, plus tu payes de l'autre côté. Donc tu dois être vraiment très prudent sur comment tu vas signaliser tes valeurs et si tu vas être vraiment authentique. Et Trump, il fait ça très bien, je pense. Et c'est aussi, il y a un coût de produire ces méthodes de communication symbolique. Ce n'est pas facile de parler en imagerie. Ce n'est pas facile du tout. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est les émotions. Si on signale des émotions dans notre langage. Donc, ça, c'est le langage du corps, etc. Donc, en fait, puisque notre modèle va en 1916, on n'avait pas les audios ni des vidéos des personnes. Donc, on ne pouvait pas coder pour le non-verbal. Mais en fait, ça n'a rien changé parce qu'on a fait beaucoup de différentes expériences. Et on a constaté la chose suivante. Plus on parle de façon symbolique, plus l'émotion est engagée. Plus on parle des valeurs, plus ça engage les émotions. Donc les émotions sont vraiment une conséquence de la communication symbolique et une communication basée sur les valeurs. Donc plus on défend une ligne, plus on doit montrer qu'on se fâche, on a l'espoir, je ne sais pas. Et plus on parle avec des symboles, des métaphores, on dit des storytelling, plus c'est facile pour les émotions de sortir. Donc le fait qu'on ne mesure pas le non-verbal est pas du tout important pour notre modèle. On a fait plusieurs expériences là-dedans. Le dernier étude qu'on va publier bientôt, on a pris un échantillon aléatoire des discours TED. On a codé le charisme non-verbal, verbal et voix. Donc voix, on a utilisé Pratt, donc la fréquence, l'intensité, l'interaction entre les deux. Donc ça, on a très bien, on sait bien comment faire. Donc rien n'a compté. Quand on a mis le charisme verbal, il a tué tout. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi et signaliser que tu es fort et tu es confiant en toi. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, la base de l'effet charismatique, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est le gâteau. Le glaçage, c'est le non-verbal. Mais on ne peut pas manger juste le glaçage. D'accord. Juste peut-être pour nos auditeurs, Pratt, c'est un logiciel qu'utilisent les linguistes du coup pour analyser la parole. Il faut peut-être préciser parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce logiciel. Oui, merci Eléa. C'est exactement ça. Et c'est seulement sur les êtres humains, pas sur les plantes. On fera une émission sur le charisme des plantes. Oui. On boit. Bientôt. Ok, donc... Et Pratt, si je peux dire, ça veut dire Spreken, ça veut dire parler en Afrikaans. Ah. Je viens de l'Afrique du Sud, donc quand on dit est-ce que tu parles Afrikaans, on dit praat jij Afrikaans. Ok. On a une linguiste, Lucie, qui était venue nous parler des accents et du coup qui utilisait Pratt pendant sa thèse pour comparer les profils de parole entre des gens qui étaient natifs alsaciens et des locuteurs natifs alsaciens. Merci. Ok. Donc là, vous vous êtes basé pour évaluer le charisme sur des discours écrits. C'est ça? Oui, c'est des discours qui sont délivrés dans le discours d'investiture de chaque candidat. Donc, quand on a publié notre modèle, nous étions challengés par les experts qui ont dit « Mais pourquoi vous utilisez qu'un discours? Pourquoi pas utiliser plus de discours ?» Et on a argumenté que voilà, le charisme est quelque chose d'assez stable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un échantillon des prétendants pour la Maison Blanche. Ça pourrait être la personne qui a gagné ou a perdu. Et on a pris des discours de façon aléatoire pour voir la constance du charisme à travers le temps et si l'ordre dans lequel on a classé était le même quand on a pris plus d'échantillons. D'accord. Et c'était exactement le même. Donc ça, en stat, on appelle interclass correlation. Donc il y a une corrélation très forte dans chaque cluster, chaque personne. Donc c'est assez constant. C'est comme ton look. Donc si aujourd'hui tu es un beau mec, tu vas être beau demain aussi. Je m'excuse. Donc ça, c'est assez constant. Idem avec le charisme. D'accord. OK. Donc vous prenez, si j'ai bien compris, le modèle de Yale va prendre le bilan économique à un instant T. Mm-hmm. Et puis en l'occurrence, c'était 2 mois avant l'élection. Donc c'est le bilan économique dans l'année de l'élection. Dans l'année de l'élection. Donc ça, c'est le PIB brut. Après combien de trimestres avait une croissance au-dessus de 3,2%, okay. Ce qu'on appelle le good news. Mm-hmm. Et le troisième paramètre, c'est le taux d'inflation. Donc plus D'accord. c'est bas, plus le greenback, le dollar, peut acheter des trucs. Okay. Donc ça montre la puissance de la billet verte. D'accord. Et puis après, donc, la couche de charisme que vous ajoutez à ce modèle n'a mm-hmm. pas besoin de référencer tous les discours. On prend un échantillon. Un échantillon, oui. Et ça... Et ça permet de faire la différence. Oui. Ok, je suis de plus en plus inquiet. Plus on parle, plus je stresse. On a des questions dans la chatroom. On a Gépif, je les découvre en même temps que je les lis. Hein. Gépif qui dit « Mais le monde est très différent entre aujourd'hui et il y a 100 ans. Comment un modèle peut corriger l'évolution de l'histoire ? Internet, mondialisation, etc. Mmh. » C'est comme des modèles, je ne sais pas, physiques, géographiques. Le monde était différent il y a 1 million d'années, mais exactement de la même façon qu'on fait les prévisions rétroactives pour la température dans une époque donnée, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas que les personnes ont changé entre aujourd'hui et il y a 200 ans, même 3000 ans. Si je regarde un discours d'Alexandre le Grand, et que j'ai des experts qui me disent que ce discours est charismatique, et si je le mets dans le charismomètre, qu'est-ce qu'il dit? C'est très charismatique. Donc, la façon, la psychologie des individus n'a pas changé. Ouais. Ce que je lis dans le République de Platon, ou de ce que dans le rhétorique et la poétique de Aristote, c'est exactement la même chose. Donc, la psychologie n'a guère changé par rapport à ce que ces grands philosophes ont dit mm-hmm. il y a 3000 ans. Donc, voilà, je ne pense pas que ça change grand-chose. On peut mettre une variable pour enlever les effets du temps et pour corriger, mais j'ai déjà fait ça, ça ne change pas. Ça change rien. Non. Mais d'ailleurs, je ne me rappelle pas, j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait ensemble il y a 5 ans. Oui. Donc tu nous disais que le charisme, en gros, il pouvait être décomposé en trois piliers essentiels. Oui. C'était le cadre, donc quel angle tu choisis pour raconter ton histoire. Oui. C'était la substance. La substance, donc le contenu à proprement parler, et puis la livraison, le Exactement. Delivery. Ouais. Et puis que la livraison était influencée culturellement. Donc tu nous oui. expliquais qu'on ne peut pas gesticuler au Japon comme on le fait en Italie, par Exactement. Exemple. Ça, culturellement, ça ne passerait pas, et vice-versa. Mm-hmm. Mais que finalement, c'était la seule composante culturelle. Le reste est complètement universel. Oui, donc oui, la livraison ça dépend beaucoup de la culture. Et comme j'avais dit avant, c'est important. C'est le glaçage, mais ça, c'est la taille du gâteau. C'est vraiment prise par la substance et comment on cadre le message. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt basé sur le symbolisme et les valeurs qu'on va défendre. Et c'est ça qui me dérange énormément. Et dans l'article qu'on va publier maintenant sur TED, et j'espère qu'on peut aussi le citer, ça va peut-être apparaître dans un ou deux mois, il va être accepté. Il y a un mythe qui circule dans l'Internet pour plusieurs années, et j'aimerais aussi faire un peu de myth-busting maintenant, qui dit que tout le monde le sait, que 90% du message est basé sur le non-verbal et que 6% est basé sur les mots. Donc ça, cette étude... Je me permets de t'interrompre, on l'a déjà débunké sur Podcast Science. Quel numéro, quel podcast? Oh, c'était il y a super longtemps, je vais te le retrouver. Donc on va débunker encore une fois. Donc voilà, c'est bien que vous avez débunké. Mais c'est bien de répéter certaines choses. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. J'irai rechercher le numéro plus tard. Okay. Et puis, nous, on est juste Podcast Science. Vous, j'imagine que vous avez plus de références scientifiques. j'ai bien hâte de... Mais il aura encore une référence pour débanquer cette mythe. Ça me dérange énormément. Mais juste pour dire que cette étude était basée sur... c'était un psychologue maghrébin ou quelque chose, son nom était maghrébin, qui a testé des mots uniques comme love. Donc, si on dit love ou... love. Oui, bien sûr que ça fait une différence. Mais les managers et les politiciens, ils ne disent pas qu'un seul mot dans un discours. Ils parlent des phrases. Et donc, voilà. Bien sûr. On a beaucoup de cas des gens qui n'ont pas utilisé beaucoup d'émotions, mais qui étaient énormément charismatiques, comme Mandela, comme Gandhi, comme Thatcher. Margaret Thatcher était très, très froide, glaciale. Some of you are waiting for the media catchphrase, the U-turn, and I tell you, you turn if you want to. The lady's not for turning. Non, il a parlé de son tour d'ivoire, mais jamais d'émotion sur sa tête, mais très, très charismatique. Ouais. Mandela, il n'avait pas de tout. Gandhi, on ne pouvait même pas écouter. Il était tellement timide et humble quand il parlait. Ouais, c'est vrai. Le gars... en question, c'était Albert Mehrabian. Mehrabian, j'ai dit Mehrabian. Je suis vieux, beaucoup plus. Psychologue né en 1939. Ouais. Ouais. Et puis en fait, lui-même s'est battu contre cette croyance qui a été interprétée de ses travaux. Parce que c'était une extrapolation. Il a jamais dit ça, en fait. Ouais. Et puis je me rends compte qu'on est vraiment vieux aussi. C'était en 2012 qu'on a fait ça. Oui, non, mais ça me fâche énormément. Parce que l'épisode 113. Chaque fois que j'ai fait une formation chez les cadres ou dans les Nations Unies, et quel consultant qui est venu avant moi qui a dit cette bêtise. Et donc la première chose que les gens disent, mais quelqu'un a dit que... Donc maintenant, j'ai un slide et je commence ma formation et je dis, parle pas de tout de ça et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Ok, on a encore quelques questions de la chatroom. Donc on a Caro qui dit, le modèle ayant appris sur les US a quoi comme prédiction sur les 50 dernières années de la France? Si on peut l'appliquer en France? Je pense que c'est ça que ça Oui, je pense que oui, ça peut être assez facile à appliquer un modèle dans un pays où il y a deux partis qui dominent. Donc si historiquement il y avait les socialistes et les républicains, ou gaullistes, je ne sais pas comment on appelle ça avant. Donc, je pense qu'on peut le faire. Donc, pour Canada, je pense que ça peut marcher. Pour l'Angleterre, ça peut marcher. Pour l'Australie, ça peut marcher. Donc, pour les grands pays où on a un système similaire aux États-Unis. D'accord. Mm-hmm. Pour les petits pays où c'est le bordel, comme ici, ça non, ça en pas. Suisse, jamais. Ça, c'est trop compliqué. Mais en France, c'est plus simple. Ouais. OK. Mais d'ailleurs, tu avais prédit la victoire d'Hollande contre... Oui, oui. J'avais dit que Hollande va gagner quand même, même s'il n'avait... Il avait d'abord le charisme d'une moule, mais c'était parce que Sarkozy était le sortant et il avait la crise économique. Ouais. Donc, c'était lui qui a été attribué cette responsabilité. Donc, ils ont gagné. Il a perdu. Donc, ils ont voté contre Sarkozy pour Hollande. Et Hollande, honnêtement, il n'avait pas le gabarit d'un leader. Mais quand même, une chose à dire. On a une étude sur Hollande où on a traqué son taux de charisme à travers le temps. Ouais. Très, très, très, très bas. Et subitement, il y avait une attaque terroriste. Le premier attaque. Ouais. Et il a vraiment fléchi comme ça. Il a parlé de de façon beaucoup plus charismatique. Et ça, c'était remarqué même dans la presse. Je me souviens avoir lu, c'était dans Haaretz, d'Israël, parfois je regarde juste pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ils ont dit, mais subitement, Hollande, il était transformé, he was transformed into a statesman, you know. Donc il a vraiment le gabarit d'un politicien. Et après, il a baissé encore. Après, il avait le deuxième attaque terroriste. Boum! Et après, il a baissé. Troisième attaque terroriste. On a aussi remarqué ça chez George Bush. Exactement. Ouais, c'est après le 9-11. Oui, ouais. Il était très bas. Son taux d'approbation était à 40% le jour avant le 11 septembre. Et après, il a fléchi. Là. Il est allé jusqu'à 92%. Overnight, quoi. Ouais. Et aussi, la façon dont il a parlé a changé complètement. Il a utilisé beaucoup plus de ses astuces rhétoriques. Donc, certains leaders le font, certains ne le font pas. Donc, Hollande... il a fait ce qu'il était nécessaire au moment donné. Donc, bravo pour Hollande. Ouais, mais bon, OK. À quel prix? OK. On a une question de HK qui demande comment intégrer qu'aux États-Unis, on peut gagner au nombre de voix, mais perdre au nombre de grands électeurs. Ouais, OK. Donc, ça, c'est plus une question technique sur les institutions américaines. Oui, mais ils ont apportionné les grands électeurs par rapport à la population dans un État. Mais ça, ils ont fait il y a, je ne sais pas, 200 ans. Et maintenant, il y a beaucoup de migration entre les États. Et c'est là où on a le problème qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui habite à Californie et ils n'ont qu'une certaine proportion des grands électeurs. Normalement, ça doit être repondéré, mais personne ne va le faire parce que les Républicains, c'est dans leur avantage maintenant d'avoir... Ils ont un fort avantage parce qu'ils gagnent grâce au vote rural. Oui, c'est ça. Bon, on a un petit peu la même logique en Suisse, même si ce n'est pas exactement le même mécanisme. Tu peux expliquer? Ouais, bah, il nous faut une majorité pour les initiatives populaires. Ah, oui. Il faut une majorité du peuple et des cantons. Et des cantons, oui. Une double majorité. Donc le peuple, c'est assez facile à compter. Il faut qu'il y ait plus de 50%. Et puis les cantons, en fait, ils ont tous le même poids. Oui. Tu as des grands cantons comme Zurich, où il y a un million d'habitants rien que dans la ville. Je ne sais pas combien il y en a dans le canton. Qui ont exactement le même poids qu'un petit canton rural où il y a 10 000 habitants. Oui. Et bah, ça donne des résultats surprenants parfois. Exactement. Ouais. Donc, le vote aux États-Unis, c'est encore un petit peu plus compliqué. Ouais, parce que beaucoup plus. Et ils font ce qu'on appelle le gerrymandering. Donc, ils changent les frontières entre des comtés exprès juste pour histoire casser de les récupérer. Votes. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. OK. Et là, on n'a pas un mot en français pour ça. Gerrymandering. Donc, c'est jouer avec les frontières entre les comtés. La Poirasse demande « Le charisme d'un homme politique est-il également un atout dans le cadre d'une présidence ?» Par exemple, négociation, donc pas uniquement pour se faire élire, hein, mais pour les négociations avec les autres nations, par exemple. Je pense par exemple à Boris Johnson et ses négociations avec l'Union européenne. Donc, je n'ai pas étudié la question, mais d'abord, ce n'est pas que pour des hommes, c'est pour des femmes aussi. Donc, je dois corriger ce que la personne a dit. Et on a des expériences où on montre que, premièrement, ça marche aussi bien chez les femmes et chez les hommes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est relié avec le stéréotype homme. Donc, on a testé ça dans plusieurs différents contextes. On n'a pas encore fait dans des négociations, mais on a fait dans le pitching. Donc, si tu es un entrepreneur et qui cherche l'argent, tu es venture capitalist. Donc, comment on appelle ça quand tu fais un pitch? Bah, on dit un pitch en français. Un pitch aussi, OK. Quand tu vas vendre ta sauce. Exactement. Et que tu as juste 2 minutes pour convaincre ces gens qui ont de l'argent. Donc, c'est là où le charisme peut vraiment aider. Donc, on a des expériences sur ça. On a des expériences dans des situations où il y a un problème on dit en anglais, the free rider problem. Donc, il y a le voyageur clandestin. Donc, on a un bien public et tout le monde doit participer pour maintenir ce bien public. Mais tout le monde a un intérêt égoïste de ne pas contribuer, mais d'en profiter des efforts des autres. Donc, on a montré que le charisme peut aider à coordonner les croyances des gens dans des situations où il y a un intérêt moral contre un intérêt égoïste. On a aussi montré que ça aide à faire en sorte que les travailleurs travaillent plus fort pour le leader, aussi au même niveau que des bonus économiques. Donc ça marche dans plusieurs différentes situations. Ouais. Je n'ai pas encore testé négociation, mais je suis sûr que ça va marcher. Et aussi sur le speed dating. Je suis sûr. C'est ça où j'aimerais faire une étude. C'est mon étude rêve. Je vais prendre des garçons et des filles de façon aléatoire. On va répartir dans deux groupes. Un groupe, on va juste enseigner le charisme. L'autre groupe, on va enseigner comment être séductive. Et après, on va laisser ces gens-là de jouer des jeux de speed dating. Et après, on va voir combien de hits ils avaient. Et donc, cette étude, un jour, je vais le faire. Donc, Charisma Can Get You Sex, c'est ça le titre de cet article. Ouais, ben, ce sera le titre. Claire, elle rigole, elle trouve ça très drôle. Claire, qu'est-ce que tu veux dire là? Moi, oui, j'ai hâte de voir le résultat de cette étude. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel charisme il faut pour aller pitcher cette étude, pour obtenir les fonds. Mais on te fait confiance là-dessus. En anglais, je suis beaucoup plus éloquente qu'en français. Moi, tu t'en sors pas mal en français. Oui, j'allais dire, c'est déjà pas mal en français. Hein. Merci, tu es trop gentil, Claire. Ok, bon, de toute façon, pour toutes les personnes qui ont des questions sur qu'est-ce que c'est que le charisme, à quoi ça sert, etc., ben, je les renvoie sur les deux épisodes qu'on avait fait ensemble à l'époque, 230 et 231, parce que tu étais allé vachement dans le détail quand même. On a parlé des différents détails. Et c'était super intéressant. Ok, bon, écoute, je te propose qu'on arrête là avec les bêtises, là avec les mauvaises nouvelles. Et j'ai une citation. Pas encore. C'est plus tard la citation. Ah, mais c'est bien, t'as fait tes devoirs. Il est pressé de finir l'épisode, ça y est, trop de mauvaises nouvelles. Ouais, c'est ça. Maintenant, on arrête un peu avec les mauvaises nouvelles. Et puis, je te propose qu'on fasse un petit follow-up sur les projets dont tu nous parlais il y a 5 ans. Oui. Donc, tu nous avais annoncé que tu bossais sur un charismomètre complètement informatisé. Mm-hmm. On avait un peu de peine à y croire. Et puis toi, tu disais que ouais, c'était challenging, mais que dans 5 ans, ça serait bon. Aujourd'hui, tu l'as, ce charismomètre informatisé? Oui, on a la deuxième version. Et j'avais demandé à Ellen de choisir deux discours, un bon discours et un mauvais discours, ouais, en anglais. Donc, il m'a envoyé deux trucs très, très longs. Un discours de Tony Blair et un de... De John Major. Donc, Major, il n'était pas trop charismatique du tout. Et Blair, il était hyper charismatique. Donc, j'ai mis ça dans le charismomètre. Dans 2 minutes, ces discours qui avaient 400 phrases, 300 phrases, assez longs. Donc, un être humain qui est bien formé, après quelques mois, va prendre quelques heures pour le faire. Donc, on avait ça dans une minute, 2 minutes. Et j'ai renvoyé des scores à Alain. Et qu'est-ce que tu as vu, Alain? Mais c'était complètement fou. Moi, je t'ai envoyé les deux articles. Un des deux, j'arrivais même pas à le lire tellement il était chiant. Les discours. Ouais, les deux discours. Hein. Et puis, genre, 2 minutes après, je reçois un mail avec une pièce jointe attachée. C'était un document Excel. Puis alors, le premier onglet, c'est le graphe qu'on peut voir maintenant dans la chatroom. Donc, évidemment, on le mettra dans les notes d'émission, où on voit le charisme comparé, donc qui a été analysé par ton... Les différents critères, oui, la métaphore, storytelling, exactement. Donc, on a différentes variables. Voilà, ça, c'est un peu petit, j'arrive pas à lire. Donc, c'est ça, effectivement, hein, métaphore. Donc, c'est métaphore, storytelling, question rhétorique, contraste, liste, morale, but s'élever, confiance et les sentiments de la collectivité. Ouais, OK. Voilà. Et puis, donc, ça nous indique, mais hyper clairement, il n'y a aucune ambiguïté, que Tony Blair est réputé plus charismatique. Exactement. Que donc, John Major. Il avait combien de la somme des tactiques par rapport à phrase, c'était 79% de taux de charisme chez Blair, et chez Major, c'était 49%. C'était 49 contre 79 ou quelque chose comme ça. C'est ça, 49 contre 76. 76, voilà. Ouais. Donc, beaucoup plus de charisme chez Blair. Ouais. Oui, donc ça, on a développé. Je travaille avec des scientifiques donc, qui font qui sont des electrical engineers, donc ingénieurs électriques, ouais, qui font signal processing, donc le traitement de signal. À l'EPFL, IDEAP, qui est à Martigny, c'est un campus satellite de EPFL. Donc, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mm-hmm. Et donc, eux, ils travaillent sur le traitement de langage naturel. Et nous, donc, on a fourni des données basées sur des codeurs, des êtres humains qui ont codé des phrases, que moi, j'ai formé. Donc, après, on a fait en sorte que le logiciel a pris sur les êtres humains pour identifier ces caractéristiques. Donc, c'est basé sur 240 discours TED, donc chaque discours a 15 minutes. Donc, on avait 50 000 exemplaires de différentes phrases et de différentes tactiques. Donc, on a formé ça, sur ça. On a utilisé quelques outils de Google comme BERT et Speech2Vec pour aider à comprendre l'essence des mots dans un contexte naturel. Et voilà, donc, ce truc marche très bien. Donc, la deuxième version, Corel. Donc, si un de mes assistants ou moi-même ou Philippe Jacquard, si on code un discours et après on demande à l'ordinateur de le faire, il corrèle à plus que 0,90 avec des êtres humains. Donc c'est comme un autre être humain. On ne peut pas distinguer le score de l'ordinateur d'un être humain. Par contre, l'ordinateur, il te crache le résultat immédiatement, en 4 secondes. Il ne se fatigue pas, il ne se plaint pas, il n'est jamais malade, ouais. Il bouffe un peu d'électricité. Non, mais c'est complètement fou ce truc, parce qu'après, quand on creuse un petit peu dans le document Excel que tu m'as envoyé, en fait, on voit que le système est capable de reconnaître les métaphores. Oui, et ça, c'est dur. Ben, ça, c'est très, très dur. Mais c'est dingue. En ayant des milliers d'exemplaires, donc tu peux juste sortir le premier exemple qu'on avait. Donc, c'est le discours de Blair. Alors, discours de Blair. Donc là, ce que je te montre, les auditeurs ne peuvent pas le voir et le reste de l'équipe non plus. Donc, on va tout décrire. Tu dois trier sur métaphore, parce qu'avant, on a trié sur storytelling. Donc, je trie sur métaphore. Décroissant. Ok, donc tu peux... Ah pardon, je n'avais pas sélectionné. Ouais, c'est Excel. Alors, métaphore décroissant. Oui, donc c'est bien. Okay, donc le premier, il donne une probabilité de presque 80%. C'est ta métaphore, que tu peux lire la phrase. Alors attends, parce que c'est tout petit. Are we not right to reach out to those people in this way, to show them that politics is not some Byzantine game? Donc, les politiques, ce n'est pas un jeu byzantine qui est joué. Donc, un jeu byzantine. Donc, ça, c'est une métaphore. Ouais. Le deuxième cas. C'est clairement une métaphore. This is not just a waste of talent, but the breeding ground for resentment. Oh là là, the breeding ground for resentment. Donc, et ça, c'est aussi un contraste. Ce n'est pas ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'il a donné un score pour contraste pour cette phrase? Oui, 0,99. Voilà. Ouais. Donc, il donne une probabilité, donc, parce qu'il a pris sur 3 êtres humains. Donc, les êtres humains donnent un score de soit 0,1. Lui, il donne une probabilité beaucoup plus précise. Ouais. Qui est un sort. Et voici une autre chose qui est très excitant à dire. Donc, on a formé l'ordinateur sur 2/3 des discours. Et après, on a gardé 1/3 pour voir comment il fait out of sample, donc sur des discours qu'il n'a jamais vus. Et on a fait une horse race, donc un concours entre l'ordinateur et les humains. Okay. Et il a pris sur ces humains-là pour voir quel score était mieux pour prédire les views des TED Talks. Donc, combien de téléchargements. Okay. Et tu peux deviner ce qu'on a trouvé. L'ordinateur était plus fiable pour prédire le résultat que les êtres humains sur lesquels il a appris. Ouais. Donc, c'est que l'étudiant est maintenant plus fort que le maître. Ouais, c'est complètement dingue. Oui, c'est dingue. Là, la troisième phrase... C'est le théâtre du politiquement absurde. Moi, je ne me serais même pas rendu compte que c'était une métaphore. Oui, mais c'est métaphorique. Et donc, il n'a jamais vu ces phrases avant, mais regardant la combinaison des mots et comment ça propage par des différentes couches des neurones électriques, donc il apprend que cette combinaison des mots, ça, c'est une métaphore, parce que les êtres humains se disent que c'est une métaphore. Comment est-ce que je peux optimiser ça? Donc, il fait exemple après exemple après exemple. Il regarde, il apprend, et après, il crache ses trucs. C'est complètement dingue. Ce qui valide complètement ce que tu nous disais il y a 5 ans. En gros, on était un peu sceptiques dans l'équipe. Il y avait certains membres qui disaient « Ouais, mais le charisme, c'est inné, etc. Ouais. » Puis toi, tu nous expliquais que certaines personnes arrivent à l'apprendre spontanément, mais que c'est en fait un ensemble de techniques. Quoi. Exactement. C'est juste des trucs et astuces que tu peux mettre les uns derrière les autres et augmenter ton charisme. Et puis d'ailleurs, vous l'avez testé, vous l'avez prouvé. Ouais. Mais là, on a encore une démonstration... Plus flagrante, c'est dingue. Mon père, par exemple, il était un politicien en Afrique du Sud, et lui, il était très charismatique. À cette époque-là, je ne savais pas qu'est-ce que c'est que le charisme, mais je me souviens, quand, petit garçon, que j'étais parfois dans la salle, je regardais mon père parler, tout le monde, la foule, ils étaient très excités. Après, ils me disaient, mais ton père, il est incroyable, tu dois être fier de lui. Bof, moi, j'ai dit. Et quand je commençais à étudier le charisme, je demandais à mon père, mais est-ce que tu as un discours ancien juste pour me donner? Parce que je me souviens qu'il a, il a pris son temps d'écrire, de penser, il a pris des notes. Il a dit, il m'a sorti deux, trois discours. Et j'ai resté bouche bée. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Il a exactement tout ça que je suis en train de renseigner et de couvrir. C'est ça qu'il faisait ah lui-même. Ouais. Et je lui ai demandé, mais comment tu savais que tu dois utiliser toutes ces astuces-là? Il dit, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut parler pour que les gens puissent te comprendre. Mais j'ai dit, mais comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas, je mémorisais beaucoup des discours de... Andreas Papandreou, de Eleftherios Venizelos, donc des certains politiciens ouais. qu'il a beaucoup aimé, qui étaient charismatiques. Et donc, il a juste appris par une exposition répétitive et il a compris que voilà, il fallut que je fasse une métaphore ici. Où je fais ça, ça. Sans même forcément savoir que c'était ouais, une métaphore, ouais, en fait. Ouais, il a... ouais. Ouais. Mais il n'a même pas fait l'université, mon père. Ouais. Il a fini son, l'école obligatoire. Il était électricien. Ah, c'est dingue, ouais, c'est dingue. Il arrivait à galvaniser les foules. Oui, ouais, ouais. Donc sur 14 élections qu'il a contestées, donc ça c'était community leader, mm-hmm. donc la communauté grecque, il a gagné 12 ou 13, donc il a juste une ou deux fois qu'il a perdu. Ok, dingue. Ok, donc bah, ça c'était le premier point que je voulais voir avec toi, donc ton charismomètre informatisé, donc là, check, bravo. Merci. Tu nous annonçais aussi à l'époque que tu venais de recevoir ou tu allais recevoir des fonds de la Commission européenne pour mener des études permettant de déterminer les limites du charisme. Ah non, mais c'était ça où j'avais fait une demande auprès de ERC. Ouais. Ça c'était... Ah non, ça c'était... Non, pardon. Il y avait deux choses. Okay. Charismomètre, c'était European Research Fund. Oui. Et ils n'ont pas donné l'argent. Et après, nous, on a bricolé et on a cherché mm-hmm. du fric ici et par là. Et on a pu faire ce projet. Et la deuxième chose, c'était auprès de Fonds National Suisse. On a reçu l'argent et on a fait beaucoup de différentes expériences dont je parlais maintenant, comment coordonner les croyances et des préférences des gens qui ont un intérêt égoïste contre un intérêt D'accord. collectif. Donc, on a fait plusieurs études sur ça et on est encore en train de continuer. On a encore deux expériences à faire, mais on a déjà publié certains résultats que je viens d'annoncer, ouais. le truc de... Ouais. Ok, ouais, génial. Et puis, la troisième chose que tu évoquais, c'était un éventuel livre sur le leadership et le charisme. Oui. Ouais, ça, donc, ouais. C'est non, pas encore. J'ai tellement de choses à faire. Donc, on est sur la troisième édition de mon bouquin, The Nature of Leadership. Mais ça, c'est un bouquin qui est utilisé comme référence aux universités. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux vous proposer. Ce n'est pas de la vulgarisation. Donc non, ce n'est pas vulgarisé. Mais entre-temps, il y a deux ans, Penguin Books m'a demandé si je pouvais écrire un bouquin Myth-Busting Leadership ou quelque chose ouais. comme ça. Ah ouais, donc, je ne sais pas si vous connaissez Penguin Books en France. Donc, Penguin, c'est très, très grand éditeur des livres dans le monde anglophone. Donc, eux, ils vendent des livres comme des petits pains. Et j'ai dit oui, mais ma vie a changé un petit peu entre-temps parce que, comme je t'ai dit, j'étais séparé il y a deux ans et demi. Et donc, je voulais faire ce projet l'année passée, mais j'avais pas le temps. J'étais seul avec mes enfants pour un petit... quelques mois. C'était un peu confondu, ma situation. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Et j'espère que quand je termine toutes ces études, je peux peut-être l'année prochaine, finalement, écrire ce bouquin vulgarisé qui va être traduit en français comme première langue. Ça va être une condition que je veux mettre là-dedans. Français, grec, allemand, Afrique. Chinois... Non, pas africain, s'il n'a pas. Espagnol et portugais. Ok. Ouais. Ah, dingue. En commençant par le français. Et arabe, bah oui. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, trop génial. Mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à debunker. On entend tellement de conneries. Ouais, ouais, tellement de bullshit. C'est du leadership plutôt que ouais, je vois. C'est ça, ouais. Leader bullshit. Ok, bah on t'invite dans moins de 5 ans pour nous parler. Oui, du livre. Et j'espère encore une fois que la prochaine fois, on va parler pourquoi je me suis trompé avec Trump. Hein. Honnêtement, j'aimerais être tellement. faussée par... Mais c'est quand même incroyable. Moi, j'ai réfléchi depuis le début de l'épisode. En gros, vraiment, si on résume ce que vous faites, c'est que vous réfléchissez en amont à tous les facteurs qui pourraient influencer le résultat de l'élection. Non, pas de l'émission. L'émission. Et vous mélangez tout ça dans un algorithme qui vous fait une prédiction et vous attendez de voir si c'était correct ou pas. Oui. Enfin, c'est ça, votre méthodologie. Oui. C'est quand même fou. Ça veut dire que, en fait, le travail que vous faites en amont, c'est plus de la réflexion sur des bases sociologiques. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire ça sans l'algorithme, quelque part, en se disant, s'il y a tel et tel facteur en jeu, du coup, on fait l'hypothèse que... Oui, mais ça, c'est plutôt, on travaille des trucs dans la tête. C'est difficile de pondérer, de calculer des probabilités. Donc, ouais, il faut être vraiment... un génie. Moi, je suis un mortel. Je suis pas trop intelligent. Donc, je dois utiliser le math et les ordinateurs pour m'aider. Et Léa, si tu l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à écouter les épisodes qu'on avait fait à l'époque avec John, les 230 ouais. et 231. Parce que c'est fascinant. Moi, ce que j'adore dans tout ça, en plus de John et de sa personnalité, enfin, c'est vraiment quelqu'un de sympa, mais c'est que j'ai l'impression d'assister à une discipline scientifique en train de se créer, en fait, qui tâtonne beaucoup, qui se pose des tas de questions, puis comment dire, il y a à la fois cette créativité, ce génie inventif pour formuler des hypothèses, puis en même temps, cette rigueur absolue pour les valider, surtout les invalider. Et puis, on assiste vraiment à l'émergence d'un truc qui n'existait pas avant. Tu nous disais toi-même que ton titre, en fait, le nom de ton métier, ça n'existe même pas. C'est vrai. Vraiment en français encore, ça a été traduit par les Québécois. Bah, les Québécois, le comportement organisationnel. Ouais. Donc maintenant, on est dans mon département, on est presque 40 personnes. Ah ouais, quand même. J'étais seul en 2002 quand j'ai commencé. Donc, et c'est vrai qu'avant, la personne que j'ai remplacée, je dis ça, donc si vous écoutez, vous connaissez qui vous êtes, mais sauf votre respect. Donc la personne que j'ai remplacée n'a jamais estimé un modèle de régression, n'a jamais fait quelque chose de chiffré, scientifique. Et il m'a dit qu'elle était un penseur, un philosophe. Et c'était comme ça que le management s'est fait avant. Ce n'était pas scientifique. Mmh. Donc moi, je m'inspire par la médecine, comment ils font des expériences dans les terrains, par d'autres méthodologies computationnelles, en évolution, en climat, en évolution. Donc encore une fois, on n'est pas une science dure, c'est une science sociale, mais on peut le durcir un petit peu plus qu'il n'était avant, et de vraiment tester ce qu'on dit et de ne pas juste dire n'importe quoi. Parce que encore une fois, mon opinion, c'est mon opinion, et en anglais, on dit les opinions sont comme des culs, tout le monde en a un. Une, c'est une ou un, je sais pas, mais j'utilise guère ce mot, je même sais pas quel est l'article définitif. Tu peux dire tout le monde en a. Pardon, je parle pas de ce façon vulgaire comme ça devant mes étudiants. Ouais, donc aux étudiants de John, ils vont t'écouter, hein. Ouais, peut-être. Interdiction de télécharger cet épisode si vous êtes un étudiant de John. Enfin, à ce stade, c'est trop tard. Je pense que c'est foutu. Ok, est-ce qu'on avait d'autres questions dans la chatroom, ou est-ce que l'équipe, vous aviez des questions pour John ? Moi, j'ai pas fait mes devoirs et j'ai pas écouté les épisodes précédents, je le confesse, hein, honteusement, mais je pense que j'irai après cet épisode. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres questions que juste la politique et les élections ? Comment t'es arrivé en fait à ce sujet-là ? Ah. Je suis arrivé à ce sujet parce que c'était par hasard. Quand je faisais mon postdoc à Yale, j'ai étudié la psychologie, j'ai entendu ce modèle de Raymond Fay. Et 12 ans après, quand Philippe Jacquard, il est un prof français à l'école de management de Lyon, il est venu pour faire son doctorat avec moi. Il était intéressé par la politique. Donc, c'est lui qui a vraiment mené qui a apporté cette idée. Donc, en général, d'abord, je dois juste vous dire comment je cherche des idées. Je cherche pas des idées. Les idées, elles viennent comme ça. C'est le sérendipité. Ouais. C'est la chance. Premièrement. Deuxièmement, quand je sélectionne mes doctorants, la première question que je me pose est, est-ce que cette personne va m'apprendre quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas engager quelqu'un qui va me cloner ou je dois dépenser beaucoup de temps de l'aider. Donc, c'est cette personne qui doit gérer le tout. Et je donne beaucoup de confiance à mes étudiants. Je suis aussi le directeur du programme doctoral. Et donc, on a de première année, c'est beaucoup de cours très, très durs, statistiques, économétrie, beaucoup de choses. Et donc, c'est avec mes étudiants que je fais ça. Donc, j'étudie plusieurs choses. Donc, l'apparence physique. Donc, j'ai une étude où je montre que les enfants peuvent prédire des élections où on n'a pas beaucoup d'informations sur les candidats. Donc, ça ne marche pas pour des élections présidentielles, mais on a fait ça sur des élections françaises où les enfants ont regardé les visages des deux personnes qui étaient en lice et ils pouvaient prédire pas mal qui va gagner sur la base de l'apparence physique. On a eu une étude sur la testostérone. Et comment la testostérone peut jouer un rôle dans la corruption. Donc, on a fait des expériences où on a reparti des leaders avec plus ou moins de pouvoir. On a mesuré le testostérone de façon endogène il y a quelques semaines et aussi immédiatement après l'expérience pour voir si avoir un taux de testostérone qui est élevé, si ça interagit avec le pouvoir pour rendre les gens plus corrompus. Et la réponse était oui. Et sachant que les hommes ont 6 fois plus de testo que les femmes, la conclusion de mon étude est que une snip-snip, voilà. Tu nous en parlais déjà il y a 5 ans. Ah, j'ai dit ça déjà. Ah, j'ai même dit snip-snip. T'as même dit snip-snip. Oh là là, donc je suis très fiable comme raconteur. J'ai des études sur la tricherie, comment les gens trichent, pourquoi ils trichent, si la personnalité, si on peut prédire qu'il va tricher ou pas. Beaucoup d'études sur l'intelligence générale, beaucoup d'études pour débanquer l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est un truc qui n'existe pas. Selon les études que moi j'ai fait, plusieurs autres ont fait, mais je pense que la majorité des gens aimeraient croire qu'il y a différents types d'intelligence, il n'y a qu'un type d'intelligence. Voilà, donc c'est toutes les choses qui peuvent ajouter une petite pièce dans le puzzle pour comprendre le fonctionnement des individus, des groupes, des cultures. J'ai aussi une étude sur... j'ai beaucoup d'études sur le genre et les femmes, la discrimination contre les femmes, comment on peut mitiger ça, le rôle de la religion sur l'oppression des femmes. Donc cette étude-là, je ne peux pas encore publier. 3 fois, elle a été rejetée, et surtout aux États-Unis parce que... Sans blague. Oui, non, mais ouais, même les profs là sont croyants. Ils ont dit, mais comment tu peux suggérer que la religion n'est pas bonne pour les femmes? La religion apporte beaucoup de bonnes choses. Et nous, notre donnée a montré très clairement que plus on est religieux, et plus l'État est vraiment infesté par les institutions religieuses, moins les femmes ont du pouvoir. Ouais, c'est assez logique aussi, mais on a montré ça. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Ça dépendrait quelle religion? Non, indépendamment du type de religion. C'était le taux de religiosité qui comptait, mais on a aussi contrôlé pour type de religion. C'est vrai, certaines religions ont plus de problèmes envers les femmes, comme l'islam, par exemple. Oui, oui, oui. Même le christianisme. Oui, les monothéistes en général. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Ouais, mais une fois encore, hein, vraiment, j'invite tout le monde à écouter les épisodes 230 et 231. Je les ai réécoutés hier soir et j'étais juste émerveillé. Et puis ça m'a rappelé pourquoi on a commencé toute cette aventure. Ça, c'est vraiment le genre d'invité qu'on avait envie de recevoir. Et j'espère que mon français a apprécié un petit peu entre-temps. Mais ton français, je le trouvais déjà nickel à l'époque. Là, il est top. Ah, merci, c'est gentil. OK. On demande traditionnellement dans le podcast, c'est des idées qu'on a piquées à un autre podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard. Il conclut toujours ses interviews avec 2 questions, toujours les mêmes. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé? Donc la question qui me pose tout le temps, c'est la suivante. Donc je vais dire en anglais, on va traduire. Leaders are born, they're not made. Isn't that correct? Donc tout le monde me dit tout le temps que voilà, les leaders sont nés leaders. Ouais. Et je retors toujours. Have you ever met anyone who wasn't born? Donc est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui ne soit pas né? Donc on blague. J'adore. C'est cette question que les gens me posent tout le temps. Ouais. Et puis l'inverse, quelle est la question qu'on oublie souvent de te poser et que tu trouverais intéressante à développer? J'ai jamais réfléchi sur ça. Une question qu'ils me posent jamais. C'est ça. Oui. Le rôle de l'intelligence générale. Donc, les gens sous-estiment complètement le rôle de l'intelligence générale. Donc, ils pensent, premièrement, que ce n'est pas facile à mesurer. Et aujourd'hui, on a des très bons outils pour le mesurer. Deuxièmement, ils pensent que ça ne compte pas grand-chose pour le succès au travail, et surtout dans des échelons, des organisations, dans des hauts échelons. Donc, ça compte beaucoup. Mm-hmm. Donc, les gens pensent que plutôt c'est l'expérience qui est déterminant. L'expérience est importante, mais si on ne peut pas apprendre de nos expériences, ça n'aide pas du tout. Donc moi, quand j'étudie les leaders dans des organisations, en général, je ne trouve pas que la crème flotte dans des eaux aux échelons. C'est plutôt des crottes de... Donc ils sont d'excréments. Je m'excuse. C'est une métaphore juste pour vous montrer comment parler de façon charismatique. C'est ça, ouais. Donc je me demande souvent, mais comment qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Donc c'est parce que la sélection des dirigeants et des travailleurs, etc., ne se fait pas de façon scientifique. Il y a 20 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais en France, comme exemple, j'avais lu dans un magazine qu'environ 20 à 30% des boîtes utilisaient la graphologie pour sélectionner des gens. Mais c'est incroyable, ça. Ce n'est pas que la France. En Suisse, ils font aussi des trucs PNL, Neuro-Linguistic Programming, ou des machins, je ne sais pas, pseudo-scientifiques. Donc, c'est un problème. Ce n'est pas professionnalisé. Le système de recrutement, ils n'utilisent pas des psychologues qui sont formés, ouais, ou des scientifiques sociaux qui sont formés sur exactement ce problème, qui connaissent et qui comprennent aussi des modèles statistiques et comment on peut prévoir le comportement de quelqu'un dans l'avenir. Mmh. Et voilà, donc on a des soi-disant experts, et ces soi-disant experts, en général, ils ont un problème de sélectionner bien. Mais beaucoup de boîtes maintenant ont fait beaucoup de progrès aussi en France, dans plusieurs pays où ils ont professionnaliser ça, donc il y a beaucoup d'espoir, et ça me rend très content de voir que les choses se font mieux aujourd'hui, mais ça va prendre du temps avant que la crème, qu'est-ce qu'on dit, the cream floats to the top, on dit ça en français? Non, pas vraiment. La cerise sur le gâteau, non, c'est pas ça? Non, que la sauce prend. Oui, la sauce prend, ah, peut-être. Ah oui, la mayonnaise. La mayonnaise, oui, c'est ça. Voilà. Ok. La sauce, la mayonnaise, ouais, ok. Alors, toute dernière chance pour les questions de la chatroom, éventuellement, ou des questions de l'équipe. Je ne sais pas si quelqu'un les a relevées. Moi, on n'a pas trop regardé la chatroom. L'écran est trop loin chez nous. Je te les ai un peu relayées au cours l'épisode. D'accord. Donc, pas de nouvelles questions. Donc, les gens qui sont dans la chatroom, c'est votre dernière chance pour poser des questions à notre invité. Sachant qu'on a quelques secondes de lag, on va peut-être leur laisser une chance de répondre. Ah oui, ça a beaucoup papoté, hein. Ah oui, bah oui, les gens étaient très bavards. Là, ça parle de religion dans la chatroom, puisqu'on est parti sur le sujet. Okay, bon, j'ai une question très naïve. Mais est-ce que là, en l'occurrence, pour ces élections américaines, le coefficient religion rentre dans l'algorithme et dans les prédictions? Oui, dans les valeurs des discours. Donc, c'est les valeurs que les deux politiciens défendent. Donc, en général, Trump, il est pour pro-guns, donc pour des flingues, pour Dieu, pas trop pro-gay. Les Biden, de l'autre côté, sont pour avortement. Anti-flingue et plutôt laïque. Donc là, ces choses-là vont jouer dans les valeurs qu'on code dans les discours. Ouais. Donc la religion joue toujours un rôle, et c'est bizarre que dans tout autre pays civilisé, la religion baisse, mais aux États-Unis, ça augmente. C'est incroyable. Le rôle de la religion, c'est incroyable. Je ne comprends pas. On a Gépif qui pose une question pratique dans la chatroom. Il dit « Du coup, si je veux devenir président américain, il suffit que je parle un peu fort et que je dise n'importe quoi ?» Non, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois parler avec des métaphores et défendre certaines valeurs, mais pas n'importe quoi. Ouais, et puis comme précis... Même avec une mauvaise grammaire et une mauvaise élocution. Oui, c'est vrai, ça, mais Trump, il ne peut pas dire une phrase correctement. Mais c'est George Bush non plus. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Incroyable. Et pourtant... Ouais. Et il y avait Caro C dans la chatroom aussi qui disait, au moment où on parlait du fait qu'il n'y avait qu'un seul type d'intelligence, est-ce que tu peux donner ta définition? Elle demande si ça marche aussi pour les dauphins, les fourmis, oui, etc. Donc l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre. C'est tout. Oui, c'est pas la capacité d'adapter, parce que adapter, ça peut venir des différentes sources. Et si quelque chose adapte, on ne peut pas dire forcément que c'est intelligent, parce que quelque chose qui n'a aucune intelligence peut s'adapter très bien à l'environnement. Donc, ce n'est pas l'adaptation, c'est si on est capable d'apprendre des signaux dans l'environnement. Et certaines choses se font avec les insectes, mais c'est génétiquement programmé, donc il y a peu d'apprentissage. Mm-hmm. L'apprentissage, c'est quelque chose où on peut transmettre la culture, etc., donc des grands singes et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, en psychométrie, on définit comme ça l'intelligence, capacité d'apprendre. Mais ça, on peut mesurer. Il y a mesurer, oui, et le traitement de données, la vitesse de traitement de données. Donc, c'est le travail du mémoire qui est important, le working memory capacity. Ouais. Et ça détermine presque tout. Si on est capable de retenir dans le mémoire à court terme beaucoup de choses, de les pondérer, de les manipuler après de prendre une décision stratégique, et le traitement, la vitesse de traitement des données. Donc, c'est ça. Et c'est très fortement corrélé avec les différentes régions neuroscientifiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi valider avec la neuroscience. Mais c'est très difficile de valider autre type d'intelligence avec la neuroscience et aussi avec, quand on fait des modèles prévisionnels. Si on contrôle pour l'intelligence générale et on y ajoute intelligence émotionnelle, intelligence esthétique, mm-hmm. je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, si on contrôle pour l'intelligence générale dans la régression, on peut ajouter n'importe quelle variable là-dedans, il ne va pas changer la façon dont l'intelligence joue un rôle en prédisant Y. Donc, souvent, les gens trichent en créant des modèles prévisionnels où ils ne contrôlent pas pour l'intelligence générale. C'est comme, je dis, j'ai un cheval qui court très vite. Et la première question, tu vas demander, mais par rapport à quoi ? Donc, si on va tester si notre cheval court vite, on doit le tester contre le champion. Donc, aujourd'hui, le champion, c'est l'intelligence générale. Il faut le mettre dans le modèle de régression. Donc, si ton cheval peut gagner contre ça, donc voilà, là, je vais être très impressionné. Mais souvent, il crée des conditions où il met des chevaux décrépides qui gagnent le concours, mais qui prend beaucoup de temps de finir la course, oui. Et j'ai encore une question pratique, juste pour visualiser comment fonctionne ton algorithme. En fait, vous faites passer des discours, du coup, de ces présidents à la moulinette pour voir quelle fréquence de mots ils utilisent, quel type de langage ils ont. Non, c'est comme ça que ça fonctionne ? C'est pas la fréquence. Non. Il extrait la substance de ce qu'on dit. Donc, il compte pas la fréquence des mots. Il détermine, par exemple, avec une combinaison des mots, s'il y a une métaphore là-dedans, s'il y a une... Mais le matériel de départ, c'est quand même le discours. Ah, quoi. C'est le matériel de départ, c'est les discours. Et phrase par phrase, où on dit à l'ordinateur, dans cette phrase-là, il y a une métaphore et rien d'autre. Dans cette phrase, c'est rien. Dans cette phrase, il y a un contraste, une question rhétorique. Dans cette phrase, rien. Dans cette phrase, il y a ça. Donc, il voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents exemples. C'est comme avec, comme on forme des deep neural networks pour reconnaître des animaux. On dit, voilà, ça, c'est un chat. Ça, c'est pas un chat. Ça, c'est un oiseau, etc. Donc, il apprend après plusieurs milliers d'exemples. Et c'est un petit peu plus difficile avec les mots, mais c'est la même chose. C'est un traitement des signaux, donc... Je m'en fous si c'est visuel, acoustique ou de combinaison des mots. Pour un electrical engineer, c'est la même chose. C'est un signal qui doit être traité et il le traite. C'est pour ça que je travaille avec ces personnes-là. Ils sont, je pense, les scientifiques computer scientists sont très forts, mais les plus forts sont aussi les gens qui connaissent computer science, mais aussi signal processing, les ingénieurs qui font traitement des signaux. Mmh. Incroyablement fort. Et alors, peut-être que c'est une question débile, mais est-ce qu'on peut analyser le discours d'autres personnes, je ne sais pas, des youtubeurs sur Internet ou des choses comme ça, et prédire s'ils vont avoir du succès grâce à ton algorithme ? C'est une très bonne question, et ce n'est pas débile de tu, c'est une question très intelligente. En fait, on a fait exactement ça avec les discours TED. On a mesuré le taux de charisme pour prévoir combien de views ils auront. On a fait la même chose avec des tweets. Donc, on a analysé des tweets avec notre algorithme, encore une fois, pour voir si on peut prévoir combien de fois un tweet va être retweeté. Donc oui, plus on a du succès dans les médias sociaux, plus je suis assez sûr que ces personnes-là sont capables de parler de façon charismatique. Et donc, il y a des conseils, du coup, qui découlent de ce genre d'études sur comment parler, comment... Épisode 231. Épisode 231. Ouais, okay. mais tapez sur Google Learning Charisma et mettez mon nom là-dedans. J'ai écrit un article dans Harvard Business Review qui a été traduit aussi en français. Alors, tapez juste Learning Charisma, John Antonakis, et vous allez trouver ça. C'est gratuit de lire, je ne sais pas, une dizaine d'articles dans Harvard Business Review par année. Et il est aussi online en français, je ne sais pas, Apprentissage du charisme ou quelque chose, le titre. Dans le Harvard Business Manager, je pense, il s'appelle en français. Ouais, mais il y a surtout Podcast Science 231. Et le podcast 231. J'irai. Ok. Ouais. Il nous livre tous ses secrets. En fait, il n'y a qu'à l'écouter pour devenir charismatique. Exactement. Et si vous voulez, je peux vous former aussi. Il faut me donner vos discours. Je le mets dans mon charismomètre. Je vous donne une rétroaction. Mais en fait... On voudrait une analyse des épisodes de Podcast Science pour savoir lesquels vont le mieux marcher. Ah, oui. Plus il y a des métaphores dans les podcasts, plus ils seront téléchargés. Est-ce que j'ai vraiment envie que tu mettes dans ton appareil mes exposés face publique pour savoir si je suis charismatique ou pas dans mon travail? Je ne suis pas sûre de vouloir cette réponse, en fait. Mais Claire, on est comme ça, tout le temps évalué. Ton apparence physique est évaluée. Ce que tu dis est évalué. C'est tes vrai. Émotions sont évaluées. Tout ce qu'on fait, c'est un signal, c'est comme un pan qui marche et qu'il signalise son valeur sélective aux autres oiseaux. Donc, on fait ça tout le temps. Pas pour des raisons sexuelles, mais pour aussi pour d'autres raisons, pour avoir aussi. Une performance. Oui, aussi. aussi. Ouais. Mais honnêtement, je ne veux pas que cet outil sorte juste comme ça, surtout s'il tombe dans les mauvaises mains. Donc, je ne veux pas que n'importe qui utilise ça pour... manipuler, exploiter des gens pour des fins non morales. Donc, je vous assure que ça va être utilisé pour des fins scientifiques. Donc, je peux facilement faire du fric avec ça, mais ce n'est pas mon but. Et je ne veux pas juste l'ouvrir avec une carte de crédit et vous mettez vos discours et vous payez 10$ et après, vous avez un retour. Alors, mettez plus des métaphores. Il y a trop de ça, pas assez de ça. Donc, apprenez je ne veux pas faire ça, Claire. Apprenez à devenir un dictateur avec John Antonakis pour seulement 99 voilà. Ouais, non, c'est bien. Heureusement qu'il y a encore des garde-fous. Ouais. Il y a encore une question dans la chat-room. Ah. Est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué, comme par exemple les personnes qui se maquillent pour ne pas être reconnues par les algorithmes de reconnaissance faciale? La question a été coupée, je n'ai pas compris la question. Tu peux la répéter? Ouais, donc est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué? Comme par exemple se maquiller pour échapper à la reconnaissance faciale. Mais je pense que c'est une question. Oui, les masques maintenant. Covid nous aide beaucoup parce que c'est difficile pour les ordinateurs maintenant. Gardez les masques pour toujours, jusqu'à. Gardez les masques et restez à la maison, là vous serez parfait. Oui, exactement. Ok, ça me donne une transition toute désignée pour conclure cet épisode. Oui, bien sûr, la citation. Il y a la citation. Heureusement que mon invité est plus au fait que moi. Donc la citation, tu es venu avec une quote pour inspirer nos auditeurs pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Donc c'est par un prix Nobel de physique en 65, Richard Feynman, donc j'aime beaucoup. Et si vous avez le temps, regardez ses discours qu'il a donnés sur comment on fait la science. Donc il y a une série de discours qui sont sur YouTube. C'était... une personne vraiment incroyable, d'abord très intelligent et très, très, très, très charismatique. Il parle tout le temps avec des histoires, des métaphores, des anecdotes, très intelligent. Et nous avons écrit un article il y a 2 ans sur comment on peut utiliser les expériences pour étudier la science sociale, parce qu'au début, comme on avait dit avant, donc aussi dans mon domaine, les gens ne faisaient pas d'expériences, c'était des philosopheurs, des penseurs. Mm-hmm. Et donc, c'est ça que M. Feynman a dit. Il a dit « si ». Une nouvelle hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience. L'hypothèse est erronée. La clé de la science se trouve dans cette déclaration. L'élégance et la beauté de votre présomption ne fait aucune différence. Son intelligence, l'identité de la personne émettant la présomption ou encore son nom ne fait aucune différence. Si l'hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience, elle est erronée. C'est aussi simple que cela. Ok, donc quand Biden gagnera, on pourra dire qu'il y avait un paramètre faux dans l'hypothèse. Peut-être, peut-être, oui. Mais comme j'ai dit, le modèle n'est pas parfait, ça marche 83% des cas. Et il y a certaines élections, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Mais encore une fois, on ne peut pas mettre trop de variables parce qu'on a très peu d'observations. Donc ça, on appelle ça overfitting dans notre domaine. Mais quand même, le coefficient de détermination, donc le R carré dans le modèle est 0,96, donc c'est très très élevé, c'est comme on explique tout très très très bien, mais c'est pas parfait. En physique, on aimerait avoir un R carré qui est presque 1,99, donc on n'est pas encore là, donc on va se tromper de temps à autre, et c'est dans le jeu. Et c'est cette fois-là. Oui, j'espère. On est d'accord. Oui. Ok, tu m'enverras la citation de Feynman. Oui, absolument, je l'envoie dans maintenant. Les notes de l'émission, merci beaucoup. Et puis, ben, moi, pour conclure cette émission, je tiens à tirer ma révérence à Black Mirror. C'était déjà sympa sur Netflix, mais j'avoue que ces 4 dernières saisons en totale immersion, grandeur planétaire, a été très convaincante. Et j'espère qu'elle nous aura donné à réfléchir. Maintenant, je propose qu'on arrête les conneries et qu'on revienne à une vie normale, s'il vous plaît. Début de réponse en direct de Washington à partir du 3 novembre, donc si tout va bien. En attendant, un immense merci à notre invité John Antonakis. Tu reviens dans 4 ans ? Oui, et tu sais quoi ? La prochaine fois, j'aimerais avoir tout le monde autour de la table. On doit faire venir les autres interlocuteurs. Mais tellement, tellement. Alors ça, c'est mais une fois, tu... avec plaisir. Vous avez fait ça une fois ou oui. Pas encore ? Ouais. Ah oui. Ouais, on fait ça de temps en temps. On appelle ça des émissions radio-dessinées. Donc on se réunit tous dans un coin. On a des dessinateurs qui viennent illustrer ce qu'on raconte en temps réel. Puis on fait une pause régulièrement dans la présentation des dossiers pour montrer les dessins. Oui. Et puis on choisit une thématique et puis on l'aborde sous plusieurs angles. Notre grande spécialiste des radios dessinées, c'est Claire, justement. Ah oui. Mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué de les organiser. On était censé en avoir une samedi, justement, au Muséum oui. du Havre. Ok. Ça fait 2 fois qu'elle est repoussée à cause... à cause des distanciations sociales et des mesures sanitaires. Mais on ne désespère pas de la faire un jour, cette radio dessinée. Oui, moi, j'aimerais utiliser le mot distanciation physique. Je suis tellement d'accord avec toi. Oui. Il faut qu'on arrête de parler. Tu as raison. Ouais, et on a un article sur ça. J'ai oublié de dire, je suis très excité. Je veux juste citer une petite étude qu'on fait maintenant. Totalement. On a des discours des gouverneurs aux États-Unis. On code le charisme avec le charismomètre. On code s'ils demandent aux gens de se distancier ou prendre d'autres précautions. Et après, on observe qu'est-ce qui se passe. En vrai. En vrai. Avec les mobile phone towers. Donc, combien de gens ne bougent pas, ils restent. Génial. On peut prédire très bien quel gouverneur sera efficace sur la base de son charisme et s'ils utilisent toutes ces astuces. Donc, c'est incroyable. On est en train maintenant d'écrire ces articles et on fait aussi une expérience où on manipule les discours. Et donc ça, j'espère qu'on va l'envoyer très, très vite à une très bonne revue scientifique générale, comme, je ne sais pas, Human Nature Behavior ou quelque chose comme ça, parce que c'est très, très important. Donc encore une fois, le charisme, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du leadership. Donc la base doit être l'intelligence de la personne et ses valeurs. Et le charisme aussi compte. Donc je fais une supposition que les gens sont aussi assez... Ouais. J'espère qu'ils sont intelligents, mais malheureusement, on peut voir que le charisme peut aussi marcher avec des gens qui ne sont pas intelligents. Et c'est ça qui est dangereux quand on a des manipulateurs ou des personnes comme Hitler qui ont le charisme. C'est là où ça crée de la catastrophe. Mais aussi, le charisme peut aussi aider, comme chez Mandela, chez Gandhi ou des personnes comme ça qui étaient morales. Comme Ardern en Nouvelle-Zélande. Oui. Elle est waouh! Ça, c'est un badass prime minister. Elle est incroyable, génial, incroyable. Très charismatique pour moi. Ardern et Jacinda, c'est fantastique. Et j'étais très content de voir qu'elle a gagné avec un tsunami de majorité très, très large. Oui. Donc le charisme, c'est bien, mais pas chez tout le monde. C'est ça. C'est ça le message de la soirée. Si j'étais l'architecte dans la Matrix, je donnerais le charisme que aux gens intelligents et que aux gens moraux. Voilà. Bon, bah c'est ça, un chouette projet. Tu me tiendras au courant. Oui, on peut créer un matrix et on peut être les architectes. On peut faire une grosse simulation. Ça va être. Et après, tout le monde, on peut tester différentes hypothèses. Et après, Claire, parce qu'elle est chimiste et elle est biologiste, on va vraiment créer des vrais petits êtres humains qui vont marcher, parler. Tu commences à me faire un peu peur. Le meilleur épisode de Black Mirror qui aura jamais été La prochaine fois qu'il vient, on va faire un épisode, on va boire quelques verres, et après on va planifier ses expériences. C'est bien. On va refaire le monde, littéralement. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée de faire un épisode tous ensemble autour de la même table dans 4 ans. Oui. Je trouve ça génial. Ok. Et suis preneur. Ouais, pari tenu, deal accepted, on le fait. Ça veut dire que dans 4 ans, Podcast Science, c'est toujours là, tu réalises. Hein, quand même. Déjà ça, mais écoute, on est dans notre 11e année là, c'est ça? On n'est plus à 4 ans près. C'est vrai. Ok, je continue ma petite tournée de remerciements en conclusion. Un immense merci à vous, les amis, à l'équipe qui porte à bout de bras ce podcast. C'était censé être tous les 15 jours, mais je vois que c'est toujours semaine après semaine. Vous êtes inarrêtables. Enfin, franchement, vous êtes géniaux. C'est trop cool. Je suis trop content que ça continue. Vous menez ça de main de maître, vous êtes des champions. Et puis merci bien sûr aux poditrices, aux poditeurs, à cette communauté juste incroyable. Spéciale dédicace à Crayon Papier qui a carrément peint une fresque murale Podcast Science à Montréal dédiée aux femmes en science. Mais merci aussi à toute la communauté, même si vous n'avez pas peint de fresque murale. Vous êtes une bonne raison de garder foi en l'humanité malgré tout ce qui se passe en ce moment. Rendez-vous la semaine prochaine avec Alexa qui reçoit Arthur Michaud. Je ne sais pas trop de quoi ils vont parler. Vous êtes au courant, l'équipe ? De médiation scientifique, il me semble. C'est un excellent sujet. Et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie.